Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel Asile le plus sûr sur antenne du 94 MHz, également à partir de son blog asile35.blogspot.fr, ce même site qui accuse un sérieux retard, pour ne pas dire un retard sérieux dans la mise en ligne des émissions, mais on devrait corriger le tir progressivement. Et on va attaquer avec une formation qu'on vous passait à l'occasion de leur premier disque, il y a de ça 2 ans, et qui reviennent avec un nouvel opus. Il s'intitule Papier Pop I Love You So Much, pour le quartet de Montréal, le bien nommé Avec le soleil sortant de sa bouche, qui réunit des anciens de Fly Panam, un groupe qui était très important pour forger le son du label confrérie Constellation. On y retrouve notamment Jean-Sébastien Truchy à la basse et à la voix, qui était le leader de Fly Panam, Eric Greengrass à la guitare, Sébastien Fournier qui est à la deuxième guitare virevoltante, et le batteur Nassir Hassan. Et puis c'est un peu des gens aussi qui avaient fait partie de combos de rock XP sous les noms de Pachichik ou encore de Feu Thérèse, qu'on écoutait pas mal aussi dans les années 2000. Et avec le soleil sortant de sa bouche, c'est une excellente mixture d'afrobeat et de kraut motorique à la Klaus Sundinger. Le premier album Zuberdust nous avait vraiment tapé dans l'oreille. Celui-ci est un poil inférieur, mais comme toujours, des titres à rallonge, des cycles combinés de 2-3 morceaux enchaînés avec un groove haché entre musique motorique et cosmique concret. On écoute un extrait de la deuxième suite de ce Papier Pop I Love You So Much, cette seconde suite au nom à rallonge, comme toujours pour Avec le soleil sortant de sa bouche, Alizée et Margaret dès midi moins le quart, sur la plage, un palmier ensanglanté. We'll be right back. deux excellentes formations avec des musiciens qui jouaient pas les utilités, qui occupaient pas des emplois fictifs. On a démarré avec Le Soleil sortant de sa bouche, excellente formation montréalaise dans laquelle on retrouvait les vocaux totalement pathétiques de Jean-Sébastien Truchy et le groove assez incroyable du batteur Nassir Hassan et ses camarades Eric Gringas et Sébastien Fournier. Donc un deuxième album sous le titre totalement improbable Papier Pop, I Love You So Much, publié par Constellation ce mois-ci en CD et en vinyle, toujours dans le registre un peu cosmiche concret avec pas mal d'effets divers et variés. On a enchaîné avec la formation new-yorkaise, ça s'entendait, CP Unit, avec ce disque Before the Hit Death, publié par l'excellent label de Pedro Costa, Clean Feed, en cette fin janvier. CP Unit, qui est l'acronyme de Chris Pitiokos Unit, le saxophoniste alto de 26 ans, qu'on avait découvert notamment avec son trio aux côtés de Wiesel Walter ou encore Ron Anderson, ainsi que par exemple sur un disque qui était sorti l'an dernier aux côtés de Noah Punkt et Philippe Scholz sous le titre Protean Reality, et pas mal d'autres choses. Un excellent saxophoniste dans la grande tradition du jazz free new-yorkais qu'on retrouve aux côtés du guitariste Brandon Seabrook et du bassiste Tim Dahl, électrique, qui lui a fait partie notamment de Pulverize Sound aux côtés de Peter Evans, et le batteur forcené depuis 20 à 30 ans, c'est Wiesel Walter, le membre des Flying Luttenbachers ou plus récemment de Cellular Chaos, quoique puisque Flying Luttenbachers sont de retour en ce printemps 2017, eux qui avaient occupé la scène du jazz free matinée de free rock dans les années 90, on les avait vus notamment au milieu des années 90 à Rennes, ça ne nous rajeunit pas au tonton flingueur, voilà. Et donc ils sont de retour avec une petite tournée organisée par l'excellent festival Sonic Protest, avec une tournée dans plusieurs villes de province et notamment un concert à Rennes qui aura lieu, je crois que ce sera à côté du Jardin Moderne aux Agités du Bocal le samedi 18 mars, et puis pas mal d'autres villes en France, entre Marseille et Tours par exemple. Il y a une bonne vingtaine de soirées pour Sonic Protest dans ce mi-mars et 17 villes participantes. On écoutait donc CP Unit, excellent disque, je vous disais, de Chris Pitsiokos, sorte de groove et de jazz entre les musiques de Ornette Coleman de sa période funk, free funk avec son prime time, ou encore, ça fait aussi pas mal penser à la musique des Lounge Lizards, ce Before the Hit Death, excellente production de Pedro Costa, le label Clean Feed qui revient avec une salve assez héroïque de nouveaux CD. On vous proposera sans doute d'autres disques de cette excellente production de l'hiver 2017 de Clean Feed. Voilà, on va continuer toujours à New York avec cette fois-ci un groupe de la grande époque de la No Wave, que Wiesel Walter d'ailleurs adore réellement, et donc Y Pants, un groupe assez méconnu, assimilé No Wave dans le post-punk new-yorkais, un trio féminin assez peu connu, puisqu'il a sévi uniquement entre la fin des années 70, s'est créé toute fin 79 jusqu'en 1982, et donc un peu moins connu que ses contemporains DNA et autres Mars, et plutôt dans un registre un petit peu moins noise, plutôt du côté, ça lorne plutôt du côté des Raincoats, de Kleenex, et parfois aussi un petit côté Slits, donc plutôt la scène anglaise pour ces New-Yorkaises. En tout cas, un côté très arty, excentrique, ce qui est assez logique puisqu'on retrouvait notamment des gens plutôt dans les arts plastiques, notamment Gail Vachon et Barbara Hayes également, qui fut membre des Theoretical Girls aux côtés de Glenn Branca avant d'intégrer ce groupe éphémère Y Pants. Et bah, elles sont publiées avec leur camarade batteuse Virginia Verge Pirsoff un disque unique s'intitulant Beat It Down. C'était sorti en 82 sur le label qui publiait pas mal Sonic Youth et autres Glenn Branca à l'époque, Neutral Records. Et ce disque n'avait pas été réédité, en tout cas pas en vinyle depuis cette époque. Et le label Wing vient tout juste de se fendre d'une galette qui réédite à l'identique cette formation new-yorkaise, formation avec pas mal d'instruments joués, une batterie à la Mickey Mouse, des petits claviers un peu bizarroïdes et des ambiances plutôt assez peu punk. Voilà donc une sorte de musique nouvelle un petit peu bizarroïde. On écoute deux titres de ce Y Pants et on démarre avec le morceau Obvious qui ouvrait cet album de 1982, Beat It Down. We'll be right back. Charmante belle, attends-moi un moment, mon cœur t'appelle. Dis au lieu de s'arrêter, marchons plus vite, et moi, de pas à pas, à mon fils. Pas à pas, suivant la route, en lui disant Julie, arrête, écoute. Julie s'est arrêtée auprès d'un chêne. Que comptez-vous galant sur cette plaine? Tant courir, j'en ai grand peine. Après, quand j'en peux plus, j'en perds la laine. Julie, Julie, Julie, charmante blonde, ici devant ce bois, y'a pas d'enfant. Dans ce bois que personne ne nous voit, y'a pas d'offense. En te priant, Julie, fais-moi silence. Oh non, à mort, aurais-tu le courage de trahir ta Julie dans son passage? Perdre la vie avant que de consentir à ta folie. Et oui, les vraies musiques à danser sont dans les îles les plus sûres. On a démarré avec le projet Y Pants, le trio No Wave, même si ça sonnait pas tellement dans le côté brut noise de certaines formations de cette époque new-yorkaise de la fin des années 70, début des années 80. Il s'agissait du premier LP publié par cette formation éphémère féminine, le disque Beat It Down, réédité par les bons offices du label Waterwing Records, qui est assez actif, qui a aussi réédité d'ailleurs le maxi 45 tours, donc l'intégralité de la discographie de ces trois jeunes femmes, bon, qui ont disparu de la circulation après, hein. Je crois qu'elles n'ont pas fait de vieux os dans la musique, elles ont dû plutôt se consacrer aux arts plastiques et à ce genre de choses, une musique plutôt assez surprenante, avec pas mal d'instruments joués, des ambiances un peu enfantines et aussi des textes un peu plus crus sur la fin de ce disque long. Le label Waterwing Records, qu'on vous avait déjà proposé il y a de ça quelques semaines pour la réédition du side project des membres de Smegma Jungle Nosy, qui réédite également le disque de Kleenex Lilliput, donc un peu dans le même registre que ces Y Pants, un peu des musiques à la Raincoats. Et on a enchaîné avec de la vraie musique folklorique pour danser et le projet La Baracante, un disque qui vient tout juste d'être édité en CD et aussi, je crois, en vinyle par les bons soins du collectif du centre de la France La Novia, en coproduction avec Bicoc Records. Alors La Baracante, c'est la rencontre entre, bon, un peu les musiciens de Tans Main Hands, également de Toad et autres France, puisqu'on y retrouve Yann Gourdon à la vielle à roue, également Guilhem Lacroux à la guitare et l'abstil. Il y a aussi la cornemuse Béchonnet 11 pouces de Pierre-Vincent Fortunier et le chant et violon de Basile Brémeau. Donc une production typique de ce collectif La Novia. Et cette fois-ci, donc, une réunion de ces musiciens autour du répertoire de Virginie Granouillet, dit La Baracante, donc chanteuse des années 50-60, qui a fait l'objet de collectes, musicienne du centre de la France. Donc La Baracante, ça sonnait un petit peu comme ça, avec ce genre de texte et une tension, son, timbre et cadence qui a intéressé fortement ces musiciens qui jouent une sorte de musique un peu, ça fait pas mal penser presque à du post Velvet Underground. Il y a un petit côté aussi Tony Conrad sur les bords avec La Baracante, sorte de musique aussi folk française, ça fait penser à du post, je sais pas, La Bamboche, matinée de musique minimale répétitive. D'ailleurs, ce printemps, les musiciens de La Novia vont rejouer le répertoire de Terry Riley en acoustique. Ce sera au lieu unique, notamment pour l'ouest de la France. On va continuer avec d'autres musiciens et un autre genre de folklore imaginaire, cette fois-ci celui de Dominique Grimaud en compagnie de Véronique Villette. Dominique Grimaud, qu'on connaît dans l'asile pour à peu près toute son œuvre, et aussi pour nous avoir gracieusement permis de diffuser en début d'émission et en générique son fameux Telstar de son groupe historique Vidéo Aventure, donc projet de la fin des années 70 jusqu'à la fin des années 80. Il a fait partie aussi de Camisole et de quantité d'autres projets, tout autant en solo, en duo, aux côtés par exemple de Pierre Bastien ou encore de musiciens country folk américains, mais dans une musique plutôt nouvelle. Et cette fois-ci, c'est un peu dans ce registre qu'on le retrouve, avec cette toute nouvelle production en duo avec Véronique Villette. On les avait notamment découverts ensemble avec cet excellent disque publié il y a de ça 2 ans avant par le label bordelais Bam Balam, qui s'intitulait A, qui était une musique cette fois-ci un petit peu plus électronique, mélangée à de la batterie un peu motorique répétitive. Et ce disque sous le titre de Il, publié par l'excellent label Rennais Impolisson, est une version plutôt folk, mais folklore un peu imaginaire du côté des îles de l'Atlantique et du Pacifique et autres contrées étonnantes. Dominique Rimaud et Véronique Villette se sont intéressés toutes ces dernières années aux îlots un peu méconnus des terres oubliées, et donc ce disque est un peu l'illustration de l'intérêt qui porte aux ambiances Robinson Crusoe et autres personnes échouées sur des atolls aux antipodes. Voilà donc une sorte de concept album un peu étonnant, avec pas mal de textes d'ailleurs pour illustrer les différents thèmes, musique qui se déroule un peu comme une sorte de film sans image, sorte de disque un peu imagé. Par contre, les textes sont vraiment très très bien troussés, et c'est un vrai régal que d'écouter cette musique en lisant les histoires assez incroyables de ces îles imaginaires et pas que. Donc on va écouter une petite série de ces îles de Véronique Villette et Dominique Rimaud. Je propose de dérouler ce disque avec plusieurs extraits de la face A et un extrait de la face B de cet excellent île de Dominique Rimaud et Véronique Villette. Thank you. à nourrir ta jeune taille. Ça nourrit. Une séquence pour mieux partir dans l'asile le plus sûr avec tout d'abord les deux fous masqués naufragés sur leurs îles à hélices, les Grimauviettes, Véro et Dom, de retour avec cet excellent vinyle que vous pouvez vous procurer d'ailleurs dans toutes les bonnes crèmeries. Il vient tout juste d'arriver tant chez les distributeurs tels que Metamkin que les boutiques du côté de la rue Poulain-du-Parc pour ce qui concerne Rennes. Vous pouvez aussi vous le procurer auprès du label Impolisson à partir du site Free de cette même étiquette bien connue des Rennais. Donc Dominique Grimaud et Véronique Villet avec une séquence de plusieurs titres à suivre et on a démarré non pas par l'île Tromelin mais par l'île Trindal dans l'océan Atlantique au large des côtes brésiliennes, à un millier de kilomètres, un atoll échoué dans l'océan Atlantique qui vit le survol d'une soucoupe volante le 6 janvier 1958, phénomène qui fut aperçu et photographié depuis un navire qui s'apprêtait à lever l'ancre. Et donc Dominique Grimaud ainsi que Véronique Villet ont illustré un peu leur perception de cette île. On a terminé avec l'île de l'Ascension dans l'océan Atlantique sur la Terre désolée composée de pas moins de 44 cratères. L'Eastern Telegraph Company a installé en 1899 le premier câble sous-marin et en 1956, pendant que la BBC établissait son relais sud-atlantique, les États-Unis construisirent des installations de surveillance de leurs missiles et la conquête de l'espace a débuté à partir de l'île de l'Ascension par la réception de la fusée Atlas le 22 janvier 1960. Voilà toute chose que vous pouvez apprendre. C'est aussi un disque pour se documenter, cet excellent album Hill de Dominique Grimaud et Véronique Villet, donc nettement plus centré sur la guitare, mais la guitare jouée à partir de pédales d'effet, de systèmes de ring modulation, et on entend comme toujours le synthé à caisse de Dominique en fond pour illustrer la mer, et la batterie ainsi que les baguettes pour tricoter de Véronique qui est également à la guimbarde et pas mal d'autres choses encore, de la grosse caisse, du balafon et pas mal d'autres éléments percussifs. Très beau disque que ce Hill publié par le label Impolisson. Et on a continué avec un disque que je n'avais pas proposé mais qui est publié, qui est sorti un peu avant l'été 2016. Il s'agissait de la rencontre entre Marion Cousin et l'excellent Gaspard Klaus avec ce disque Yo Estava qui est Mabrasava, une manière d'illustrer le folklore des Baléares et des romances médiévales entre chants de labeur et musique un peu plus courtoise, entre Marion Cousin, totalement inconnu au bataillon en ce qui me concerne, moitié d'un duo Kraut-Folk, nous dit-on, Dune et Jim, et au violoncelle, donc Gaspard Klaus, rencontré dans pas mal de projets et de performances en soliste, qui est le fils du joueur de guitare flamenca Pedro Soler. Voilà, très très beau disque que ce Ya Estava que Abravasa, publié par les disques du Festival Permanent, qui est la propre marque, je crois, de Gaspard Klaus, et en coproduction avec les éditions Le Soul. Voilà, on va continuer cette fois plus dans le jazz free de nouveau avec le 7e album des Britanniques Led Bip, qui est une formation connue principalement pour avoir donné ses lettres de noblesse au jazz punk, avec pas mal donc d'albums à partir du milieu des années 2000. On y retrouve deux saxophonistes assez engagés, c'est le moins qu'on puisse dire, Pete Grogan et Chris Williams, qu'on ne connaît pas trop dans d'autres projets d'ailleurs, à part Led Bib. Quant au batteur Mark Holub, lui, on l'a rencontré dans pas mal d'autres choses, des projets et des combos free en tout genre. Et il est aux côtés du bassiste Lyrian Dronin et du joueur de clavier Toby McLaren. L'album est un double vinyle et aussi une version CD sous le titre Umbrella Weather, et je propose d'écouter le titre qui démarre cet excellent album de Led Bib. L'album est vraiment très très bon de bout en bout, et on écoute le titre Lobster Terror. de l'excellent jazz free dans l'asile le plus sûr, avec tout d'abord le nouvel album de Led Bibb qui s'intitule Umbrella Weather, double album ou disque long CD double vinyle, publié par l'excellente étiquette Rare Noise Records qui n'arrête pas de publier des choses fort intéressantes ces dernières années dans les mélanges entre rock et jazz noise. Le label de Giacomo Bruzzo et Heraldo Bernocchi, qui est collaborateur de Mick Harris et aussi de Bill Laswell, et donc pas mal de croisements, principalement des musiciens américains mais aussi britanniques, entre jazz, nouveau jazz et rock noise le plus affiné. Et on a enchaîné avec le projet Angle 9 et un 45 tours de face, donc de titres de Angle 9, cette formation qui réunit des musiciens principalement suédois et aussi un peu norvégiens. On y retrouve à peu près tout ce qui constitue le Fire Orchestra et le groupe Fire, en dehors de Mats Gustafsson. Donc la section rythmique Andreas Werlin et Johan Bersling, aux côtés de pas moins de 5 soufflants. On y retrouve notamment le trompettiste Magnus Brou et ou encore le saxophoniste Martin Kutchen. Angles, qui se fait appeler Angles 9 depuis 3-4 albums, qui avait commencé sous le nom de Angles, donc avec déjà quelques disques à la fin des années 2000, puis après Angles 8 et maintenant 9. Donc une grande formation qui publie ce 45 tours sur étiquette Umlaut Records, l'excellent label vinylique suédois, et deux titres qu'on retrouve aussi sur leur tout nouvel opus sous le titre Disappeared Behind the Sun, publié par Clean Feed. Donc voilà pour ces excellents musiciens suédois, avec une musique qui faisait furieusement penser d'ailleurs au Liberation Music Orchestra. Voilà, on va se quitter avec la musique de The Next. Et The Next, donc le projet australien qui existe depuis la fin des années 80, donc des vrais vétérans. Ces trois-là, les fameux Tony Buck à la batterie, Lloyd Swanton à la basse et Chris Abrams au piano. Une musique qui se retrouve un peu aux confins du jazz, d'un certain post rock et des musiques ambiantes, avec un goût assez assuré pour les musiques un peu répétitives, des musiques un peu cycliques aussi, des musiques qu'on écoute un peu au coin du feu également, avec une production assez pléthorique, 1 à 2 disques par an pratiquement depuis une bonne vingtaine d'années. Le tout nouvel opus sort ces jours-ci, ça sort début février sur la subdivision du label Imego Idéologique Organ, et on y retrouve donc 4 titres de The Next. Alors c'est un double album vinyle, donc cette fois-ci non pas une longue pièce d'une heure comme ça leur arrive assez régulièrement, notamment sur les CD qu'ils produisent, mais 2 pièces de 20 minutes. Et comme toujours, on est plutôt dans les musiques un peu drone, un peu cyclique. Il faut se laisser porter avec la musique de ces trois Lascar. Voilà, je voulais vous rappeler aussi cette semaine le showcase de Karl Marx demain à la Maison de la Grève, en face du bar Le Delta, à partir de 19h30, quatrième épisode de cette série de cycles de conférences à la Maison de la Grève, entre autres choses. Et on se quitte donc avec ce titre de The Next, le morceau Blue Mountain. Le temps pour moi de vous rappeler que l'émission est entièrement réécoutable et podcastable avec les playlists quand elles sont à jour, à partir du blog asile35.blogspot.fr. Possibilité de s'abonner au podcast et d'écouter les émissions qui sont, elles, disponibles depuis un peu plus de 3 ans. Il y en a une bonne centaine à écouter de ces dernières années. On se quitte donc avec cet extrait de l'excellent nouvel album de The Next Unfold, le titre Blue Mountain. Je vous souhaite une excellente nuit, une très très belle semaine. Thank you. Oh. chemin du grand malheur. Voici mon père et ma mère seraient bien loin d'ici. De là j'ai pris ma soeur, dans la chambre je l'amène. Que je t'embrasse pour accomplir mon dessein, ou sinon que je te plonge mon poignard dans le sein. Sa sœur lui répondit, à quoi pensez-vous mon frère? Calmez votre colère, songez au Dieu tout-puissant, en auriez-vous le courage? J'ai pris mon couteau blanc, je l'y ai ouvert les veines. Le mouchoir que je me mouche, je l'ai bien noué trois fois. Je l'ai mis dedans sa bouche. de pardon, mais non pas la justice. Oh, moi de pardon. Thank you.